Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. 18h, 2 minutes et 35 secondes. Désolé pour le retard, mais quelques petits ennuis techniques. Ça arrive comme ça, c'est du direct, ma foi. Simon, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça va, ça va ? Vous n'allez pas nous rater cette semaine ? Non. On a eu peur, on a eu des trucs qui ne marchaient pas et tout. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une malédiction contre Label Rock. Mais non, les super techniciens, enfin super. Merci Simon d'avoir résolu le problème des câbles. Ça fait plaisir. Voilà, Label Rock, comme tous les dimanches de 18h à 20h, avec au programme beaucoup de nouveautés ce soir. On va commencer d'ailleurs par un truc qui nous plaît énormément, qu'on vous a joué la semaine dernière et qu'on a un petit peu bastonné à l'antenne du 89.4 tout au long de cette semaine. C'est un trio irlandais qui s'appelle Two Doors Cinema Club. Et franchement, si c'est pas un carton, ça, je sais pas de quoi je parle. Voilà, Two Doors Cinema Club pour commencer donc cette émission. Ça s'appelle Something Good Can Work. C'est énorme, Two Doors Cinema Club, Something Good Can Work. C'est un nouveau single sur le label parisien Kitsune. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un premier album qui est prévu pour ce trio irlandais. Normalement, ça devrait sortir en février prochain, toujours sur le label Kitsune. Voilà, dimanche 15 novembre, on est ensemble à l'antenne du 89.4. Sébastien en manette, Simon pour m'accompagner. Simon, je sens que tu as une petite crève quand même. Oui, je suis un petit peu pris, j'ai là une grosse voix. Ah, t'as une bonne grosse voix de radio, ça c'est bon ça. On a beaucoup de cadeaux pour vous ce soir, un énorme cadeau. Ça sera samedi prochain du côté du Zénith de Saint-Étienne. C'est un concert organisé par la région Rhône-Alpes et nos bons amis de la ville de Riorges ont été très sympas. Ils nous ont mis des places à gagner dans cette émission. On va vous envoyer donc au Zénith de Saint-Étienne le samedi 21 novembre. Ça sera samedi prochain à partir de 20h30 où vous pouvez applaudir Broadway. C'est un excellent groupe stéphanois. Les anciens de chez Zebda aussi, Mousse et Hakim, et en tête d'affiche Mickey 3D. Voilà, le concert est d'ores et déjà complet et c'est seulement sur invitation. Et vu qu'on est sympa dans cette émission, on va vous faire gagner des places. Donc c'est une bonne raison de garder la fidélité à ce programme et puis évidemment plein de nouveautés, des nouveautés. On ira faire un petit tour du côté du festival Oreille en Pointe aussi, un des plus vieux festivals dans la région Rhône-Alpes qui se déroule dans la Loire. On a eu l'occasion d'applaudir Émilie Loiseau, c'était pas samedi dernier mais l'autre samedi d'avant et franchement c'était excellent. Et ce coup-ci on ira applaudir une jeune artiste féminine française qui s'appelle Orly Chap et un Australien d'origine grecque qui s'appelle Jim Yamaroudis, un petit peu tout ça plus tard dans le programme. Voilà, t'es en train de nager, il découvre la playlist, qu'est-ce que t'en penses? Ça va le faire ça? Ah, comme toujours. Bon, ça va le faire comme toujours. On va y aller tranquillement ce soir avec on va mettre un petit peu de soul tiens dans ce programme avec un projet qui s'appelle Monsters of Folk. C'est un nom de groupe assez ironique mais en tout cas c'est des superstars puisqu'on compte dedans Connor Oberst du groupe Bright Eyes, son producteur Mike Mogis qui enregistre aussi avec Bright Eyes. On retrouve aussi l'américain Matt Ward qui a fait pas mal de trucs sous le nom de M. Ward et aussi She and Him, et Jim James qui fait partie du groupe qui s'appelle My Morning Jacket. Monsters of Folk, c'est un projet qui est né il y a 5 ans lors d'une longue tournée commune aux États-Unis. Et qui est une sorte de tournée qui vient installer un petit peu les quatre musiciens, on va dire, au sommet du songwriting made in USA. Alors on a toujours un petit peu peur quand on retrouve plein de stars comme ça, on se dit toujours que ça va être un petit peu pourri. Et ben là c'est pas le cas du tout, l'album est franchement excellent. 15 titres en tout, ça va de la country jusqu'au rock en passant par la pop. Et l'album s'appelle tout simplement Monsters of Folk. C'est sur le label Rough Trade, c'est distribué en France par Beggars Banquet. Un extrait tout de suite, c'est le premier titre de cet album, ça s'appelle Dear God. Sometimes I feel I almost do. keeps you out, it keeps me in. Magnifique projet sur le label Rough Trade qui décidément fait toujours de très belles choses. C'est distribué en France par Beggars Banquet. C'est un nouveau projet qui s'appelle Monsters of Folk. Je vous le disais hein, dessus, c'est assez long hein, que je regarde. Il y a 15 titres dessus et franchement ils sont tous assez excellents. Ça va de la soul en passant par la country, la pop et le rock. Voilà, c'est terrible, Monsters of Folk. On va y aller tranquillement, je vous le disais, en ce dimanche 15 novembre. C'est vrai, il n'y a pas lieu de s'affoler. On est ensemble jusqu'à 20h. On va donc en profiter et on va continuer tout tranquillement avec un extrait du nouvel album de l'artiste américain Devendra Banhart qui, à l'âge de 28 ans, signe là son 6e album, nouvel album qui s'appelle What Will We Be, un album disponible depuis le 26 octobre dernier. Et Simon, tu me disais que bah il va falloir voyager un petit peu hein, si on voulait aller le voir. Quoique, ouais. Non, il y a une date dans la région ou quoi ? Ouais, on a de la chance, il n'y a que deux dates. Hein, donc il y a le 6 décembre La Cigale à Paris et le 7 décembre au Transborder à Lyon. Alors on rappelle, le 6 décembre donc à La Cigale à Paris et le 7 au Transbo à Lyon. Voilà, c'est Devendra Banhart tout de suite dans Label Rock. C'est tranquille aussi, vous allez voir, ça s'appelle Baby. long as you're next to me. Notre hippie de service deviendra Banhart, extrait de son nouvel album, sixième album qui s'appelle What Will We Be. Je vous rappelle que sur www.virginradio1.fr, si vous cliquez sur l'onglet Label Rock, chaque semaine vous pouvez non seulement réécouter ce programme, mais aussi découvrir l'intégralité des track listings. Donc si on parle trop vite, ou alors si c'est des noms tout bizarres comme on a l'habitude de retrouver dans cette émission, et ben pas de souci, vous prenez votre temps chez vous sur l'internet tranquillement, vous notez tout ça et faites-nous plaisir, allez acheter ces nouveautés, ces albums, tous les artistes indés qui ont besoin de votre soutien. L'email aussi marche, la preuve, on vient d'en recevoir un de Bertrand qui nous dit j'ai pas eu le temps de capter toutes les dates, donc bah Simon, petite piqûre de rappel, vas-y. C'est parti, alors le 6 décembre La Cigale à Paris, et le 7 décembre au Transborder à Lyon. Voilà, Devin Rabanne, donc allez l'applaudir sur scène. On va rester dans cette tendance un petit peu soul, un petit peu funky comme ça, avec un nouvel album pour un groupe culte américain qui vient de la banlieue new-yorkaise. Ça fait plus de 20 ans que ce groupe comble les amoureux de rock indépendant et qu'il continue à proposer de chouettes albums. La preuve avec le nouvel album de Yola Tango, ça s'appelle Popular Songs, c'est sorti sur le label Matador, et encore une fois beaucoup de styles musicaux abordés sur ce nouvel album. Ça passe du rock assez sombre, on va dire, mais planant, aux ballades pop ou alors de la soul, le tout enregistré comme à leur habitude en lo-fi. Voilà, imaginez une sorte de Sonic Youth en moins bruyant et plus éclectique encore. Nouvel album donc pour Yola Tango, un extrait tout de suite, ça s'appelle Periodically Double or Triple. Never read Proust. Somehow using it wrong. I've got time on my hands that I can't watch off. I'm guzzling vitamin C, but I can't shake this cough. Walls are closing in, they often do. I'm seeing double. Does this ever happen to you? I don't have to make it rain, but I'd never argue with improving the view. Never wear a helmet when I'm riding a bike. Never recall a face. To me, they all look alike. I've got a hole in my brain, but what I meant to say lives. I'm a live in the past, the gift that gives and gives. les New Yorkais de Yola Tango dans la Bell Rock sur le 89.4 Virgin Radio Rouen. J'adore ce groupe qui, franchement, depuis, je vous le disais, hein, plus de 20 ans, propose d'excellentes choses. C'est le cas avec ce nouvel album qui s'appelle Popular Songs. C'est disponible sur le label Matador, distribué en France par Beggars Banquet. Je vous ai dit en début d'émission qu'on avait un cadeau qu'on allait vous envoyer la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, ça sera samedi 21 novembre pour un concert organisé par la région Rhône-Alpes grâce à nos amis des Mardis du Grand Marais à Riorges, la mairie de Riorges qui vous invite avec la Bell Rock et le 89.4 à assister au 2e assise régionale de la jeunesse avec un concert, super concert organisé donc à partir de 20h30 samedi 21 novembre au Zénith de Saint-Étienne où vous pourrez aller applaudir Broadway, un excellent groupe stéphanois. Vous irez applaudir aussi Mousse et Hakim, les anciens de Zebda, et en tête d'affiche Mickey 3D. Le retour de Mickey 3D donc à la maison en plus, s'il vous plaît. Le concert qui est d'ores et déjà complet, donc le seul moyen d'y aller c'est sur invitation et on vous en fait gagner justement deux maintenant si vous nous envoyez soit un petit mail, tiens, virginradiorouen@orange.fr, virginradiorouen@orange.fr, vous repartez avec deux places hein, pour vous, votre conjoint ou des potes hein, comme vous voulez, pour aller applaudir donc Mickey 3D, Mousse et Hakim, Broadway samedi prochain 21 novembre au Zénith de Saint-Étienne, ou alors si vous téléphonez et que vous êtes super sympa au téléphone avec Simon, vous téléphonez au 04 77 71 27 27 04 77 71 27 27. Et concernant les emails hein, n'oubliez pas de marquer évidemment votre nom, prénom, adresse postale pour qu'on puisse vous envoyer les places, ainsi qu'un petit numéro de portable ou de téléphone hein, si jamais il y a un souci, qu'on puisse vous contacter. Voilà, la Bell Rock ça continue. Est-ce que tu reprendrais bien un petit peu de soul music? Oh yes, ok. Compilation sur le label espagnol qui s'appelle Vampy Soul. C'est une compilation qui s'appelle Soul Sensational Volume 2. Une compilation qui regroupe pas mal de groupes espagnols assez obscurs des années 60 et 70, dont un certain monsieur Chus Martinez. D'une excellente compilation qui va sans aucun doute ravir tous les amoureux de soul, spécialement si vous aimez la soul espagnole des années 60 et 70. Vous allez retrouver beaucoup de groupes obscurs. C'est pas souvent que j'ai l'occasion, on va dire, de parler espagnol dans ce programme, donc je vais me lâcher. Hein. Allez, on retrouve des groupes comme Los Bravos, Los Pequeñiques, Manolo y Ramón, plus connu sous le nom du duo Dinamico, et donc Chus Martinez, hein, une sorte de mec Mexicains qui avaient émigré en Espagne dans les années 60. Voilà. C'est sur le label espagnol qui s'appelle Vampy Soul. La compilation s'appelle Soul Sensational Volume 2. Voilà. Bien, bien. Ah, on est bien parti dans la belle rock, hein, tranquille. Hein, on en profite. Hein, on n'a pas écouté beaucoup, beaucoup de rock, mais ça va venir tranquillement, tranquillement. Je vous rappelle donc que le standard est toujours ouvert pour aller applaudir Mickey 3D au Zénith de Saint-Etienne. 04 77 71 27 27. On a pas mal de place, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. 04 77 71 27 27. Pour aller applaudir donc Broadway, les anciens de Zebda, Mousse et Hakim et Mickey 3D au Zénith de Saint-Etienne à 20h30 la semaine prochaine. Pour le mail, c'est tout simple, c'est virginradioroine@orange.fr, virginradioroine@orange.fr. Et puis allez-y, hein, faites-nous des petits commentaires sur la playlist de ce soir. On va rester du côté des nouveautés avec un nouveau single pour un monsieur anglais qui s'appelle Ted Milton. Il est plus connu sous son nom de groupe, hein. Le nom de groupe s'appelle Blurt. D'ailleurs, ils étaient en concert vendredi soir au Sonic à Lyon. Deux titres, Simon, c'est pour toi, ça sonne. On va couper ça, bougez pas. Ah, c'est un peu chiant qu'on a le standard, tu veux. Ouais. Va répondre, Simon, allez, vas-y. C'est... Allez, et drague pas trop, hein. Reviens. Plus de 20 ans de carrière donc pour Blurt, groupe musical fondé par le poète et saxophoniste Ted Milton. C'était en 1979 dans le Gloucestershire en Angleterre. 20 ans de carrière, 20 ans de tournée et quasi autant d'albums. Musicalement, comment vous décrire Blurt? Bah, c'est une sorte de mélange de free jazz et de rock, on va dire. Le plus souvent dans un format rock avec souvent des rythmiques qui tirent du côté de l'Afrique. Voilà, deux titres sur ce nouveau single sur le label Orchestra Pete Recordings. Blurt, tout de suite dans label rock, ça s'appelle Block. To bring the breeze down on the starboard. Secret weapon hardened. North of the city, shining with sweat. A high white block on the dead grey sea. Block on the dead grey sea. Block on the dead grey sea. And sails fill. And sails fill. Nouveauté donc signé Blurt, nouveau single pour Ted Milton. C'est un de titres sur le label Orchestra Pit Recordings. Merci pour tous vos appels pour le concert de Mickey 3D samedi 21 novembre au Zénith de Saint-Etienne. On remercie aussi les Mardis du Grand Marais. Il nous reste encore des places, hein, donc on va les distiller tout au long de ce programme. On est ensemble sur le 89.4, c'est Label Rock jusqu'à 20h avec Sébastien et Simon. On continue avec une nouveauté électro. Un DJ producteur qui s'appelle Joris Vorn, il est hollandais, c'est un nouveau single de titre, ça s'appelle Chase the Mouse, avec dedans vous allez reconnaître un sample qui nous rappelle pas mal de souvenirs. Si je vous parle d'un film, un mec qui part en Turquie et lui arrive pas mal de cochonneries on va dire, et plutôt une mauvaise expérience de ses vacances en Turquie, un film qui a à peu près plus d'une vingtaine d'années, vous allez reconnaître le sample, voilà. Radio. Virgin Radio. En boîte, hein, Simon. Ah ouais, ça y est, je tape du pied, je bouge la tête là. Tu bouges les popotins un peu. Je me sens tout seul hein, dans l'aquarium. Là. Bon, c'est bien, ça fait du bien pour ta crève. Label Rock 894 jusqu'à 20h, Sébastien Manette, avec notre ami Simon de retour de Corse. Il y avait des bons clubs en Corse ou pas? Club? Bah, boîte de nuit quoi, en gros. Ah ouais, ouais, ah oui. Ouais, il y a des gros trucs là-bas. Ah ouais, ouais, j'ai vu David Guetta, Carl Cox, Ingrosso, génial, Joaquin Garro. Et est-ce que t'as écouté ce titre ou pas? C'est possible. C'est possible, ouais. Est-ce que t'as reconnu le sample? J'étais en général bien atteint déjà. Okay. Ouais, c'est le genre de titre qui va pas être joué avant au moins 4h du matin. Donc voilà. À mon avis, il y a déjà plus personne, c'est ça que t'es en train de nous dire? Ça s'appelle Joris Vaughan. C'est un DJ producteur hollandais. Donc, nouveauté Chase the Mouse. Chase, évidemment, avec le sample de Chase, hein, la musique de Giorgio Moroder du film Midnight Express, habilement samplée par notre hollandais préféré dans cette émission. C'est vachement bien, voilà, c'est un deux titres qui est sorti la semaine dernière et franchement vous allez l'écouter si vous êtes amateur de musique électro, on va dire. Voilà. On va parler d'un festival maintenant qui se déroule dans la Loire, qui s'appelle le festival Les Oreilles en Pointe, avec Émilie Loiseau, hein, qu'on a été applaudir, c'était samedi 7 novembre, c'était vachement bien. Vendredi dernier, le 13 novembre, il y avait donc Kent qui se produisait du côté d'Unieux dans une boîte qui s'appelle le Quarto. Et cette semaine, il y a encore du lourd là, ce soir. Non, hier soir, il y avait Mathieu Bogertz, hein, tu m'en parlais justement, ouais, tu l'as raté, ouais. Simon. Ce soir, si vous êtes du côté d'Unieux, vous allez aller applaudir un groupe qui s'appelle Le Voyeur. Jeudi prochain, et on va s'attarder sur cette date, c'est une soirée qui s'appelle Soirée des Beaux Défilés. Ça va se dérouler au fil à Saint-Etienne à partir de 20h30 avec 1, 2, 3, 3 groupes. Pour commencer, Valère, enchaîné par Balmino et enchaîné par une artiste française qui s'appelle Orly Chap. Et ça tombe bien puisqu'elle vient de sortir un deuxième album, Orly Chap, qui s'appelle Ma Lueur Clown. C'est un album réalisé en association avec Mike Ponton, le guitariste de Dionysos. Orly Chap qui avait sorti son premier album, c'était en 2005, qui s'appelait Bouille de Lune, où à l'époque on l'a comparé à une jeune héritière d'Hubert Félix Thiéphène, une sorte de Gérard Manset post-grunge. Et d'ailleurs, elle avoue pas mal d'influence aussi d'une culture anglo-saxonne, puisqu'elle avoue s'inspirer des travaux d'artistes tels que The Kills, hein, par exemple, Clap Your Hands et Hier, ou alors tout simplement Allez la Diane. Orly Chap donc en concert au festival Les Oreilles en Pointe, ça sera donc ce jeudi 19 novembre au Fil à Saint-Étienne, et on va s'en écouter un extrait parce que c'est vachement vachement bien. Tous les détails, toute la programmation de ce festival qui va durer quasi un mois, ça va jusqu'au 21 novembre. Il y a encore de très belles choses, notamment Jim Yamouroudis, on va y revenir dans quelques instants, mais on s'attarde donc. Ouais, Lojo, hein, ça sera pour terminer, ça, il me semble. T'as la date ou pas? Le 21, ouais. Ouais, donc pour clôturer ce festival. En attendant, jeudi 19 novembre, Orly Chap, on l'écoute tout de suite dans la Belle Rock. Ça s'appelle Controversy. Du deuxième album Malheur Clown, l'artiste s'appelle Orly Chap et elle sera donc en concert dans le cadre du festival Les Oreilles en Pointe. Simon, piqûre de rappel encore une fois, jeudi 19 novembre, voilà, au fil à Saint-Étienne. Et cet album est, bon, on a craqué dessus, hein, il est vachement bien. C'est pas souvent qu'on craque sur des albums de musique française, donc ce que je propose c'est qu'on en écoute un autre extrait carrément. Ouais, petite voix énergique comme ça, féminine, là. Ouais, on va passer, tiens, c'est pas ça annonce carrément la couleur. C'est le premier titre de l'album, ça s'appelle L'amour avec un gros tas. Voilà. Bah oui, hein, l'amour avec un gros tas. Voilà. secret. Si c'est l'amour, le grand, le niais, je sais ce qu'il me reste à faire. Me laisser faire, laisser aller mon cœur criblé de toucher meurtrier. Dans le vieux Montréal, on ira s'échouer en ce lieu idéal pour s'aimer en été. J'abandonnerai mes douves, mes moulages célèbres, mes meurtrières, mes lourds secrets. Si c'est l'amour, le grand, le vrai, si c'est l'amour, le grand, le niais, celui dont je me suis tant moqué. Lieu idéal pour s'aimer en été. Je veux bien ravaler mon cynisme altier pour t'aimer, pour t'aimer. Si c'est l'amour, le grand, le vrai, si c'est l'amour, le grand, le niais. Des joueurs de pipe au four, comme des skieurs hors piste, égarés, libérés, libres, aérés. Pour toi j'irai grimper sur les monts tibétains, sur un pied. Dans le vieux Montréal, on ira s'échouer en ce lieu idéal pour s'aimer en été. Virgin Radio, défendeur de la nouvelle scène française et label rock aussi, Orly Chap, le deuxième album qui s'appelle Ma lueur clown. On vous rappelle que Orly Chap sera en concert dans le cadre du festival Les Oreilles en Pointe ce jeudi, vas-y Simon, 19 novembre. Au fil à Saint-Étienne, tout le détail, toute la programmation sur www.oreilles-en-pointe.com. Et le lendemain, ça continue ce festival avec Jim Giamaroudis. Voilà, c'est un autre invité hein, du festival Les Oreilles en Pointe. Lui, il sera en concert le lendemain, le vendredi 20 novembre. Lui aussi, il a un nouvel album qui s'appelle Traveling Bind. C'est sur le label Les Disques Bien. Et c'est un Australien d'origine grecque qui se produit sur la scène musicale australienne depuis la fin des années 80 et en France depuis quelques années. Nouvel album qui s'appelle donc Traveling Blind, hein, pardon, produit par Sébastien Martel. En vente depuis le 20 mars. Ouais. Tu veux m'aider, Simon? Ouais. Non, c'était par rapport au fait à la date de concert. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le 20 novembre, mais attention, c'est salle d'Orient à Fraisse. Ouais, c'est dans toute la région hein, le festival. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est dans toute la région. Donc, j'en reviens à Jim Giamaroudis avec des chansons. Hein, et il a été. Il a composé pas mal de chansons et des chansons interprétées par entre autres PJ Harvey quand même hein, ou alors Conway Savage qui est autre que le claviériste de Nick Cave and the Bad Seeds, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que me dit le communiqué de presse? Une plume tendre et sagace, légère et grave, des ballades portées par une voix claire et profonde et la subtilité d'un jeu de guitare qui devient à chaque écoute plus envoûtant. Seul ou avec ses musiciens, Jim Giamaroudis sur scène est d'une intensité à couper le souffle, du concentré de beau et des émotion, voilà. Si on n'a pas envie d'y aller avec tout ça. Ça laisse rêveur. Hein. Ouais, ça laisse rêveur. Hein. En tout cas, il sera donc en concert, on le rappelle, vendredi prochain, du côté de la salle à Fraisse. Salle d'Orient à Fraisse, oui. Jim Meyerodis, tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Grass and Dew. Allez acheter l'album aussi, vachement bien. Traveling Blind. Avec une grosse voix, tu vois. Lui, il a vraiment la crève, tu vois. Yamouridis, Grass and Drew en concert au festival Les Oreilles en Pointe à la salle d'Orient à Fraisse près de Saint-Étienne. Ça sera donc vendredi prochain 20 novembre, nouvel album qui s'appelle Traveling Blind. On reste, bon, on voyage, hein. On va partir du côté du Pakistan avec un projet intitulé Taken by Trees avec la belle suédoise Victoria Bergsman, la chanteuse du groupe de Concrete. C'est sur le label Rough Trade. Magnifique voyage du côté du Pakistan avec un projet intitulé Taken by Trees, Watch the Waves. L'album s'appelle East of Eden, symbole d'un voyage initiatique effectué par Victoria Bergsman, la chanteuse du groupe The Concretes, qui avait décidé de partir en voyage pour vivre de nouvelles expériences, et elle était partie du côté du Pakistan. Voilà, l'album est disponible via Beggar's Banquet sur l'excellent label Rough Trade. Et on va rester du côté de Stockholm en Suède, ce coup-ci avec un duo féminin qui vient de sortir sur le label Wichita, distribué en France par Coopérative Music. Un premier maxi qui s'intitule Drunken Trees. Décidément, c'est une histoire d'arbres. Hein. Deux sœurs, donc Clara et Johanna Soderberg, elles sont toutes jeunes, hein, elles n'ont que 15 et 18 ans et pourtant elles ne perdent pas de temps. Projet First Aid Kit en 2007, un projet tout de suite repéré par Karine Anderson, la chanteuse du groupe The Knife. Depuis, il y a eu ce maxi, 7 titres et puis des collaborations avec notamment Anna Ternheim et Anne Brun. A noter aussi une excellente reprise d'un morceau des Fleet Foxes. Et il y a un premier album qui est prévu pour fin janvier 2010 qui s'appelle The Big Black and the Blue. Voilà, First Aid Kit tout de suite dans la Bell Rock. Ça s'appelle Little Moon. On est parti pour une petite série tranquille. Hein. On y va tout doucement. Allez. Ça va, on soigne ton rhume, Simon. Je prends soin de toi. Je mets du rhum dans dans la tisane. Ouais, vas-y. Si tu mets du rhum, c'est bon. There's forgotten forests there, full of those drunken trees. They look like they're falling apart, you know? Just like the people there, those fools. Oh no, don't get me wrong. It's a wonderful place. I'm actually headed towards the mountains right now. My train should arrive any minute now. You can follow me if you want. I mean, if you have time. Birds are leaving over here. I saw them sail away. They look just like sailors. Hey, little one, I don't wanna die. un magnifique titre signé Girls, un des duos masculins les plus hype du moment. Mélange de sensibilité, de tension sur un seul titre, hein. Hello Rat Race, c'est le titre de ce morceau qu'on vient de s'écouter. Mmh. L'album s'appelle tout simplement Girls, c'est leur premier album, un album disponible chez Piass. Et c'est vraiment un album qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très chouette. Une des meilleures surprises de la rentrée avec l'album dit XX entre autres. Et puis l'album des quatre parisiennes Plasticines aussi. Est-ce que tu as écouté parler des Plasticines ou pas ? De nom, ouais. Ouais, de nom. Nouvel album donc, deuxième album hein, qui s'appelle About Love, qui est sorti sur le label Because le 9 novembre dernier. Elles sont quatre donc, Cathy au chant, Marine à la guitare, Anaïs à la batterie et Louise à la basse. Deuxième album intitulé About Love. C'est pas des chants polyphoniques ? Non, c'est non, pas des chants polyphoniques. Non, tu vas voir, c'est assez 12 titres. Hein, 12 titres dessus, c'est résolument efficace, résolument pop-rock. Ça rentre très bien dans le cadre de label rock. Et Virgin Radio, on espère d'ailleurs qu'ils seront diffusés un petit peu plus au point de vue national. En tout cas, l'album a été enregistré à Malibu début de l'année 2009 et disponible donc dès à présent chez Because. On va s'en passer deux morceaux avec au milieu une petite interview de Cathy hein, qui nous parle un petit peu de... Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste une minute trente recueillie par nos confrères de Paris qui nous parle justement du deuxième album et puis de ce... phénomène rock parisien, on les a souvent comparés à des sortes de bébés rockeuses un petit peu. Vous écouterez vite fait Cathy ce qu'elle en pense au milieu des deux titres. Donc deux titres pour commencer, Caméra, et on enchaîne ensuite avec un morceau qui s'appelle Beach. Voilà, ça s'invente pas hein, salope, c'est comme ça, écoute, voilà, faut pas les chercher les parisiennes. Allez, les Plasticines tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Caméra. Déjà, on a eu l'expérience d'un premier album avec beaucoup de critiques et ça, maintenant, on est paré pour ça. Il n'y aura plus de problème. Enfin, on peut dire n'importe quelle critique, ça, on peut l'accepter. On a fait aussi une tournée qui a permis aussi. On est parti toute seule, donc on n'avait pas d'ingénieur du son, on n'avait pas de régisseur. On était quatre groupes à jouer. Donc des fois, on avait fait des concerts, on n'avait rien dans les retours. On montait sur scène, les micros n'étaient pas branchés sur la batterie. Vraiment des choses comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et donc, je pense qu'on a vraiment vécu des choses un peu dures, mais ça nous a vraiment. Voilà, c'est comme ça que ça marche en fait. On a eu plein de problèmes et maintenant je pense qu'on sait peut-être mieux gérer la scène, on sait ce qu'on veut, on a plus évolué aussi sur ça, quoi. Ce truc de bébé record, ça nous a toujours un peu énervé parce que ça a donné le côté péjoratif à la scène alors qu'au final c'était vraiment quelque chose de spontané et de vraiment bien parce que c'était juste des jeunes qui avaient envie de jouer, de faire de la scène. Ça c'est le truc de la France aussi, hein. C'est, faut catégoriser un peu tout. Donc il y a la même chose, tu vois, avec les Strokes, avec les Arctic Monkeys, ils viennent chez nous et on le dit pas. Alors les bébés rockers américains, ils réalisent pas que c'est exactement la même chose en fait. Enfin, on est jeunes, on fait de la musique et c'est vrai que ce qui est bien pour nous, c'est que on est là avec un deuxième album et justement à toutes ces critiques, c'est un peu une réponse à toutes ces critiques de dire que nous on n'était pas là pour la mode et que on est des musiciennes et c'est notre métier, c'est notre vie. Il y a pas plus à en discuter quoi. B-I-T-C-H in disguise. B-I-T-C-H. Beach et aussi Caméra, voilà deux titres signés Cathy, Marine, Anaïs et Louise, les quatre parisiennes du groupe Plasticines, deuxième album qui s'appelle About Love, disponible chez Because Music depuis la semaine dernière. Voilà, je vous le disais, enregistré à Malibu, c'est du gros son, hein, enregistré à Malibu aux États-Unis. 12 titres pop rock résolument efficaces. Ça t'a plu Simon ou pas? Oh, je ferais bien un tour dans les loges, ouais. Hein. Ouais, très bien tour dans les loges. Hein. Elles sont toutes mignonnes, hein. Je t'ai pas fait voir la pochette. Non. Si, elles sont mignonnes, je confirme. Elles sont, des fois, c'est dangereux, des fois, la radio. Ça peut être dangereux, la radio, ouais, c'est clair. Mais bon, on nous voit pas, hein. Y a pas de webcam encore, tu peux y aller. On va continuer dans notre série Bruit, je sais que tu aimes bien. Juste pour relancer, tiens, le jeu, il nous reste encore des places pour aller applaudir Mickey 3D, Mousse et Hakim, les anciens de Zebda, et Broadway au Zénith de Saint-Etienne à 20h30 la semaine prochaine. C'est un concert organisé par la région Rhône-Alpes. Le concert d'ores et déjà complet, c'est sur invitation seulement. On en a tout au long de cette émission à vous donner grâce à nos amis des Mardis du Grand Marais, nos amis de la région Rhône-Alpes, donc la ville de Riorges aussi. Voilà, des invitations, bah, c'est tout simple, hein, pour gagner. Appelez-nous au 04 77 71 27 27, 04 77 71 27 27, ou alors un petit email vite fait, virginradioroanne@orange.fr. Je vous rappelle que c'est complet, c'est samedi 21 novembre, samedi prochain, au Zénith. Mousse et Hakim, Broadway et Mickey 3D, le retour de Mickey 3D en, bah, à la maison, hein, quasi, hein, en terre stéphanoise, à ne pas manquer. Donc on continue avec une nouveauté. Vous allez voir, ça fait du bruit, c'est pop, c'est rock, c'est punk, et ça fait toujours du bruit et c'est vachement bien. C'est un groupe qui s'appelle les Baddies. Ils seront en concert une seule date, hein, malheureusement, en France. Ouais, hein. Ouais, ouais, ils seront au Bataclan à Paris le 5 décembre. Alors ça fait un petit peu penser à du Offspring pour la voix, et aussi pour le style musical, hein. C'est très rock, c'est proche du punk, et pourtant ce sont des Anglais, 4 jeunes Anglais, dont 2 frangins jumeaux, les frères Webster. Ils viennent de la ville de Southend, c'est dans le comté d'Essex, près de Londres, et c'est tout simplement une des révélations du renouveau rock britannique, avec toujours de belles mélodies et un style accrocheur, dynamique et nerveux. Les Baddies, tout de suite dans la Bell Rock, vous allez voir, bah bouchez-vous les oreilles ou alors montez les amplis à fond carrément. Ça s'appelle Pieces. C'est l'étape. Cause I can't see ripping. Au moins, ça, c'est fait. Voilà, les Baddies, pour commencer, premier album qui s'appelle Do the Job, disponible. Et en concert, Simon, tu le disais, au Bataclan à Paris le 5 décembre. Allez-y, allez faire un petit tour. Franchement, ça va valoir le coup. Hein. Une des révélations du renouveau rock britannique, je vous le disais, avec de belles mélodies, un style accrocheur, dynamique et nerveux. C'est à la fois pop, rock, punk et ça fait du bruit, toujours du bruit, toujours du bruit, toujours du bruit. Comme ces Anglais aussi qu'on vient de s'écouter à l'instant. Quatre musiciens talentueux, Pulled Apart by Horses, c'est le nom du groupe. Ils viennent de Leeds. Ils font du rock lourd à la limite du métal et du hardcore, pas encore d'album, mais trois excellents singles et un maxi de disponibles. Titre tiré d'ailleurs de ce maxi qui s'appelle Get Off My Ghost Train. Voilà, Pulled Apart by Horses. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez du mal à tout comprendre, et bien www.virginradio1.fr, vous cliquez sur Label Rock et chaque lundi vous allez faire un petit tour et vous retrouvez la playlist en intégralité. Wolfgang, c'est un trio qu'on vous a proposé dans Label Rock il y a quelques semaines. Rami, Emeric et François. Nouvelle sortie sur le label d'Agoria qui s'appelle Infine. Le concept, c'est une batterie et deux pianos réunis pour réinterpréter de l'électro. La recette est simple, mais il fallait encore y penser. Rami qualifié, donc pianiste de jazz d'origine libanaise. Francesco Tristano, pianiste de classique, qui s'était déjà fait remarquer avec l'album Note for Piano. C'était en 2007 où il réinterprétait justement des grands classiques électro. On pense notamment aux Bells de Jeff Mills. Et enfin, Emeric, qui est le batteur de Cassius. Tu aimes bien Cassius, hein? Ouais. J'aime bien aussi les mélanges, un petit peu batterie-piano. On avait passé aussi Lord Wild. Exactement, ouais. Plus dans le registre jazz. Hein. Ouais, jazz. Bah, c'était concept aussi. Piano, computer, il me semble. Exactement, ouais. Un double album, c'était il y a 2 ans de ça, hein, il me semble. Wolfgang, en tout cas, l'album s'appelle Wolfgang. Premier album, donc sorti le 12 octobre dernier. C'est du côté de chez Discograph. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Wolfgang. Bah oui, c'est le titre du morceau. C'est le titre du groupe aussi. Ah, faut remettre les baskets, hein, Simon. On redanse à nouveau. Virgin Radio. Thank you. titre monstrueux signé Ofgang, Rami, Emric et François. L'album s'appelle Ofgang, disponible chez Discographe. Et dans la Belle Rock, on n'a pas peur de casser les barrières musicales. La preuve tout de suite avec un petit souvenir. Tiens, on va se calmer, ça va faire du bien. C'est une nouvelle sortie sur l'excellent label Pressure Sounds de Dynamites. The moonlight lingers on. There are wonders for j'adore, hein. Franchement j'adore. De Kingston Town, vous connaissez sûrement ce morceau rendu populaire dans les années 80 par le groupe anglais UB40, mais ça c'était l'original signé par un groupe qui s'appelle The Dynamites, rien à voir avec le groupe lyonnais qu'on avait pu applaudir du côté des Mardis du Grand Marais l'année dernière il me semble, hein, Simon tu confirmes? Ouais. En tout cas c'est une nouvelle galette sur le label anglais Pressure Sounds, un label spécialisé en ressorties jamaïcaines. Et c'est le cas avec cet album qui s'appelle Sound System International. C'est mixé à chaque fois, enfin enregistré par Clancy Eccles, un Jamaïcain, un producteur jamaïcain très très très très connu. Et c'est surtout une des premières productions mix d'un producteur jamaïcain qui allait devenir très célèbre qui s'appelle King Tubby, avec beaucoup d'artistes dessus et pas mal de morceaux justement des Dynamites, mais aussi un autre mec jamaïcain, un chanteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle King Stitt, ça s'appelle King of Kings. C'est rare qu'on passe plusieurs reggae l'un après l'autre, mais franchement cet album est terrible. King Stitt's thing. bottle. King of Kings sur l'excellente nouvelle compilation signée Pressure Sound, Sound System International dans Label Rock. Ça fait du bien un petit peu de reggae comme ça, surtout par un temps pluvieux et puis humide, et puis voilà, il fait pas beau dehors, hein, il fait pas beau. Je sais pas ce qu'ils annoncent la semaine prochaine, j'espère que ça fera venir le soleil. On va passer à notre jeu, hein, pour aller applaudir Mickey 3D dans quelques instants, mais on parle d'un autre concert qui a lieu ce vendredi, c'est ça? Jeudi 19, du côté du théâtre, c'est Juliette. Voilà, la Juliette. J'avais raté l'info. La Juliette. Ouais, la Juliette, la vraie, toute rousse avec ses petites lunettes rondes. Ouais. Qui vient au théâtre donc. Du côté du théâtre, ouais, donc c'est jeudi 19 au théâtre à 20h30. Tarif c'est 28 euros, 25 et 15 euros. Tu vois, tu es en train de lire le Pérouanais, on apprend plein de choses, hein, dans ce journal. Hein. Ouais, ouais. Hein, hein. Allez. Là, c'est même pas le Pérouanais, c'est la Muse, le petit livre gratos que j'ai découvert en rentrant. Carrément, t'aurais pu dire que c'était le Pérouanais quand même. T'aurais aussi pu failloter un petit peu. Il était dedans. Bon, il était dedans, ça marche. Donc, ça, c'est jeudi 19, samedi 21 novembre. Le concert est complet, organisé par la région Rhône-Alpes. On a des places grâce au Mardi du Grand Marais et la ville de Riorges qui nous aime bien sur le 89.4, notamment dans la Belle Rock. On vous fait gagner des places pour aller applaudir Mickey 3D. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut appeler ou par email, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. On fait pareil? 04 77 71 27 27, 04 77 71 27 27, on est très généreux, on a beaucoup de places, on en avait une trentaine, hein, donc vous pouvez y aller. 04 77 71 27 27, vous nous appelez, vous nous dites on veut aller voir Mickey 3D, il n'y a pas de souci. En plus vous irez applaudir Broadway, Mousse et Hakim, les anciens de Zebda, c'est au Zénith de Saint-Etienne, je vous rappelle que c'est complet, donc le seul moyen d'y aller c'est grâce à nous. Appelez-nous pour vos invitations, ou alors virginradio-orange.fr, ou encore un petit coup de téléphone 04 77 71 27 27. Vous parlez à Simon, vous dites je vais emmener ma copine, hein, du côté de me la péter un petit peu du côté du Zénith de Saint-Etienne, voir Mickey 3D, il n'y a pas de souci, on vous emmène. Voilà, le standard est ouvert. Simon, tu vas te poster et j'espère que tu auras plein de numéros. Voilà, de numéros qui vont t'appeler. Allez, nous on continue avec un groupe texan qui s'appelle The Chemistry 7. C'est un nouveau single, ça s'appelle She's Taking Me Down. Grande version, ou alors edit radio, on passe carrément la longue version, pourquoi pas. 7 minutes de pur plaisir. C'est sur un label qui s'appelle Tsunami Music. Ils viennent de Dallas, ils existent depuis 20 ans. Les Chemistry 7, tout de suite dans Label Rock. it slow. And we both know she knows the score. Excellent nouveau single signé par The Chemistry Set. Ça s'appelle She's Taking Me Down. Trois versions dessus, l'original. Une version remixée longue, celui qu'on vient de s'écouter, remixée par The Gâteau Team. Et puis une version plus courte, hein, de 3 minutes 30 pour la radio. Voilà. Et un titre en espagnol aussi, La Logica del Canvi. Décidément, je pratique l'espagnol ce soir. Ouais. C'est bien, c'est bien. The Chemistry Set, donc des Texans qui viennent de Dallas, qui existent depuis 20 ans et qui continuent à faire des super disques comme ça. Voilà. Et bah, ça n'est presque terminé, 55. On remercie tous ceux qui ont participé, qui vont donc aller applaudir samedi prochain du côté du Zénith de Saint-Etienne, Mickey 3D, Ousse Hakim et Broadway. Franchement, ça va être terrible. Tu y seras, Simon, bien sûr. Sans doute, oui. Ouais, il y a des chances. Sur manque de concert. Tu pars avec ta petite moto là-bas ? Ouais. Ouais, d'accord. On va rester du côté local pour terminer cette émission avec un groupe qu'on aime bien qui s'appelle Mato. L'album, c'est un maxi en fait. 5 titres qui va sortir en décembre prochain. Je ne sais pas s'il sera. Bah, je pense qu'on pourra le choper sur leur MySpace ou alors au Forum Espace Culture. On attend un petit peu plus d'infos les concernant. En tout cas, ils sont 4. Axel, donc, qu'on connaît notamment avec les petites nacelles, la plus rock, hein, Axel Mato. Qui s'occupe du chant et de la guitare, à la guitare aussi et au cœur, Ulrich Beckhus, Romain évidemment à la basse et au cœur, et à la batterie on retrouve Stéphane Morel, et au cœur aussi c'est 5 titres qui a été enregistré du côté de Melay dans un studio que j'adore le nom qui s'appelle Scanapé Recordings. Voilà, ça a été enregistré entre juillet et septembre 2009, c'est réalisé par Pierrot Belluz et Ulrich Beckhus, et on va s'écouter un titre qui s'appelle Des temps délicieux. À mon avis c'est le single, hein, s'ils m'écoutent c'est le single, c'est vachement bien. Voilà, on les avait applaudis évidemment du côté des Mardis du Grand Marais et aussi du côté du Scarabée pour l'inauguration de la salle. Souvenez-vous, c'était en novembre, décembre, je sais plus. Ouais, 2008, hein. Oula, c'est loin. Voilà. Ça veut dire qu'il faut refaire là bientôt. Bon, et ben nous, on va partir en tout cas. On reviendra évidemment la semaine prochaine sur le 494 dans la Belle Rock entre 18h et 20h. Je vous rappelle que demain matin, vous retrouvez les infos locales à partir de 7h30. Un flash d'infos chaque demi-heure avec Pascal Jacquet. Excellente soirée. Soyez sages, mais pas trop. Simon, bah à la prochaine. Hein. Ouais, à ouais. Plus. Ça marche. Bon. Bise. Bise. Ciao tout le monde. Ciao, Mato, bonne semaine. Des temps délicieux. C'est local, c'est frais. Et c'est dans la Belle Rock, et on termine avec eux. We'll be right back. émissaire brûle les sirènes. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.